C'est le M, c'est le H, c'est la cité. À tout moment, gros, ça peut péter. Ma chérie m'a dit que j'ai chant, que je suis plus le même, que je suis mauvais garçon. Faut le dire que mauvais garçon, faire de l'argent, c'est devenu sa passion. C'est le M, c'est le H, c'est la cité. À tout moment, gros, ça peut péter. On a connu la montée, on a connu la descente. À tout moment, je reviens les gifler. Y'a le E, y'a le S. T'es mal pris de la veste. J'arrive en boom, j'suis dans mon bolide. J'avoue, j'suis un peu impoli. Ça vient de Sevran, ça vient de Paname. Chez nous, le réussite, ça devient banal. Disque de platine, c'est le minimum. Et ma chimène sur le podium. Appelez-le, appelez-le, appelez-le, appelez-le, appelez-le. J'ai dit appelez-le, appelez-le, appelez-le, appelez-le, appelez-le. Y'a rien de méchant, c'est juste nous. J'répète, y'a rien de méchant. Deuxième mi-temps, c'est évident, si t'avances, je vais te casser les jambes. La force que t'as dans les bras et que tu donnes aux gens, moi je l'ai entre les... Arrête de jeu, prolongation numéro 1 du top, célébration. Je suis la meilleure dans mon domaine, maintenant que c'est Didier, on dit hôtel. Je suis avec Imen ES, les autres sont en PLS. Le daro m'a dit, faut un paquet, cabriolet, c'est carré, y'a trop d'espèces. Appelez-le, appelez-le, appelez-le, appelez-le, appelez-le. J'ai dit appelez-le, appelez-le. Y'a rien de méchant, c'est juste nous. Je répète, y'a rien de méchant, c'est juste nous. Appelez-le, appelez-le, appelez-le, appelez-le, appelez-le. J'ai dû appeler le, appeler-le, appeler-le, appeler-le, appeler-le. Y'a rien de méchant, c'est juste nous. Je répète, y'a rien de méchant, c'est juste nous. Ça va péter, ça va péter. Ça va péter, je suis en pétard. Ça va péter, ça va péter, ça va péter, je suis en pétard.